Je tourne à droite à l'intersection. Je passe sans m'arrêter. Réponse A. Je m'arrête avant le passage pour piétons. Réponse B.